tu veux faire, Satriani? Drum. Il y a un drummer là, non? Do it all the world more for you. All the leaders beat a trouble on fire. Believe it all on fire. And all the living all upon. Faut que je le monte, hein. Oula, je suis perdu. En fait, je disais que j'ai monté ta piste sur chez moi. Le synthé, c'est bien, je peux varier le son aussi. Regarde, avec l'after touch. Je vais faire varier l'after. Thank you. sais pas comment on y joue au synthé ça. Every breath you breathe, every single day, I send your mind, devil mind, your mind. Every breath you breathe, every single day, and my mother say, that you everyone by un jus de fraise. Tu bois un jus de fraise? T'es malade ou quoi? Sorry. Oh, can't you see? Everyone to see. J'invente. J'essaye un truc. Il faut que je me cale. On va faire une balade, hein, une balade. Thank you. je suis pas parti au bon. J'ai compris. Thank you.